choses qu'on voit, mais choses qu'on voit. Je préfère rien dire. Let's go. Je me rappelle, j'avais tellement mal, mais je voulais pas le montrer. J'attendais la pluie pour laisser les larmes couler. L'amitié devient un prix parce que je voulais plus payer. J'ai pris sur moi. Ils voulaient pas de moi, par la fenêtre tu rentrais. Je suis dans la maison, ouais, je donnerai l'heure désormais. Je suis comme le soleil, ils arrivent pas à me regarder. Tu sais, j'aurais donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. Avec le sourire, je suis venu tout niquer. Je refais là, tout va bien maintenant. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Si tu m'aimes, crie-le, je veux t'entendre. J'aurais donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. J'ai plus de cœur, tout ce qui me reste c'est la Yaska. Les euros, les pascal, le pare-balles, la plata, le plomo. Je me rappelle qu'un sac vide c'était tout ce que j'avais. Quand ma side bitch m'aimait plus que ma main. Sur ma chaîne y'a un 9, un 3, un 4 caisse. Paris sous la pluie, toi ouvre en me sert à dalque. On aura tous la même fin, on aura tous le même sort. J'ride avec mes bad bitch, j'ride avec mes N-word. La monnaie les fait saliver. La monnaie les fait saliver. Les allumer c'est sale idée. Les allumer c'est sale idée. Une main j'enlève ton sous-vêtement. Une main j'enlève tout sur toi. Dis-moi ce qu'il le faut maintenant. Dis-moi ce qu'il le faut là. La monnaie les fait saliver. La monnaie les fait saliver. Les allumer c'est sale idée. Les allumer c'est sale idée. Une main j'enlève ton sous-vêtement. Une main j'enlève tout sur toi. Mais dis-moi ce qu'il le faut maintenant. J'me rappelle, j'avais tellement mal mais j'voulais pas le montrer. J'attendais la pluie pour laisser les larmes couler. L'amitié devient un prix parce que je voulais plus payer. J'ai pris sur moi. Ils voulaient pas de moi, par la fenêtre je suis rentré. Je suis dans la maison et je donnerai l'heure désormais. Je suis comme le soleil, ils arrivent pas à me regarder. Tu sais, je leur ai donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. Avec le sourire, je suis venu tout niquer. Je refais là, tout va bien maintenant. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Si tu m'aimes, crie-le, je veux t'entendre. Je leur ai donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. Posé dans le Viano Benz avec 7 bitches. J'suis trop cramé aux galeries donc j'vais à Selfridges. Ma baby n'aime pas ses coups d'attable. Elle conduit pas de Fiat 500 et elle mange pas de burrata. Jamais. Dis à tous nos hobs qu'on les baisse tous. Y'a de là j'appelle la banque, j'appelle pas la rescousse. Elle répond pas au fun, elle est avec nous. Tu lui as dit que t'avais des tannes, mais c'est une fake news. La monnaie les fait saliver. La monnaie les fait saliver. Les allumer c'est sale idée. Les allumer c'est sale idée. Une main j'enlève ton sous-vêtement. Une main j'enlève tout sur toi. Dis-moi ce qu'il le faut maintenant. Dis-moi ce qu'il le faut là. La monnaie les fait saliver. La monnaie les fait saliver. Les allumer c'est sale idée. Les allumer c'est sale idée. Une main j'enlève ton sous-vêtement. Une main j'enlève tout sur toi. Mais dis-moi ce qu'il le faut maintenant. Je me rappelle, j'avais tellement mal mais je voulais pas le montrer. J'attendais la pluie pour laisser les larmes couler. L'amitié devient un prix parce que je voulais plus payer. J'ai pris sur moi. Ils voulaient pas de moi, par la fenêtre je suis rentré. Je suis dans la maison et je donnerai l'heure désormais. Je suis comme le soleil, ils arrivent pas à me regarder. Tu sais, je leur ai donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. Avec le sourire, je suis venu tout niquer. Je refais là, tout va bien maintenant. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Si tu m'aimes, crie-le, je veux t'entendre. Je leur ai donné, ils m'ont tout volé. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent.